Kenedza. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. 31 ans viennent de s'écouler après l'assassinat du président Cyprien Nayamira. C'était en date du 6 avril 1994. Au sein de son parti politique Sahwanya Fodebo, l'on réclame toujours des enquêtes afin d'établir la vérité sur les circonstances de sa mort. Le nouvel évêque du diocèse catholique de Bobanza, Mgr Emmanuel Ntakarutimana, compte mettre en avant parmi ses priorités la cohésion sociale et la réconciliation. Il a été ordonné ce samedi à Bobanza. Et puis la chanson « Imana Yakandi Kadio » de Pastor Lopez a remporté ce samedi la compétition Isanganiro Award 13e édition. Eric Uimana assure la mise en onde. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. 31 ans viennent de s'écouler après l'assassinat du président Cyprien Nayamira, assassiné quand il était en avion en compagnie avec son homologue rwandais Juvenal Habyarimana. C'était en date du 6 avril 1994. À travers son discours le jour de son investiture, président Nayamira voulait mettre en avant ce qu'il appelait discipline dans tous les secteurs de la vie nationale. Il appelait en outre les partis politiques à mettre en avant la réconciliation, car selon lui, le pays ne peut en aucun cas se développer sans sécurité. Suivez cet extrait du discours du président Cyprien Nayamira dans la traduction française d'Alexis Ndayiseng. Uburundi ni umurima w'isangi twasangije ni Imana. Uburundi ntibuzokwigera bugabugwamwo kubiri cyangwa gutatu. Le Burundi est le territoire commun donné par Dieu. Le Burundi ne sera jamais divisé en deux ou trois. Tous les Burundais sont les mêmes. Nous devons faire comprendre à chaque Burundais qu'il est strictement interdit de stigmatiser n'importe qui à raison de son ethnie. Que ce soit les Hutus, les Tutsis ou les Batois, tous devraient être respecter dans les trois. Pas de catégorie de personnes à discriminer. Tous les Burundais sont égaux devant Dieu et les lois. Nous demandons alors à tous les partis politiques agréés ici au Burundi de travailler en se basant à ces idéologies, tout en mettant en avant la consolidation de la paix et la sécurité dans le pays à tous les Burundais sans discrimination aucune, car là où il y a de la querelle et le désordre, il n'y a pas de développement. Notre vision est de réconcilier tous les Burundais et Burundaises. Beaucoup parmi vous s'imaginent comment le gouvernement s'organisera pour que la population burundaise vive ensemble d'une façon paisible et d'autres hypothèses que nous ne pouvons pas énumérer. En bref, nous allons revenir sur la discipline dans le pays, discipline dans le domaine militaire, discipline dans le domaine de l'éducation, discipline dans le monde du travail, discipline au sein des partis politiques, discipline dans la gouvernance et discipline dans tout le Burundi. Que les Burundais se respectent, que les Burundais respectent les lois et règlements du pays, qu'ils doivent s'atteler aux travaux qui sont la source du développement. Le Burundi ne sera sauvé que par les travaux, la justice et le respect des droits de l'homme. Extrait du discours du président Cyprien Nayamira. Au sein de son parti politique, Sahwanya Frodebo, l'on réclame toujours des enquêtes afin d'établir la vérité, les responsabilités sur les circonstances de l'assassinat de l'ancien président burundais Cyprien Nayamira. Suivez plutôt Phénias Niyigaba, vice-président du parti Sahwanya Frodebo. Le parti Sahwanya Frodebo maintenant saisit cette occasion pour demander à la justice burundaise et la justice internationale de faire tout pour que ceux qui ont commis ce crime soient traduits devant la justice et soient punis conformément à la loi. Il faut maintenant qu'il y ait des enquêtes réelles et qu'on puisse dégager les responsabilités dans ce crime. En deuxième lieu, le Parti Sahrawi Afro-Débout demande à ce que la maison d'assurance octroie les indemnités aux ayants droit. Ici, je citerai le Burundi, parce que le président Ntaryamira était le chef de l'État. Je citerai également la famille biologique, parce que Ntaryamira avait une famille et il était une personnalité très importante dans cette famille. Ici, je citerai également la famille politique qui est le Frodebout. Il était membre influent du Parti Sahrawi Frodebout, donc même le Parti Sahrawi Frodebout a perdu. Il y a des informations qui circulent, qui disent que l'avocat aurait récupéré les indemnités et s'est volatilisé dans la nature. Au niveau du Parti Sahrawi Frodebout, on n'a pas bien compris cela, parce que si une maison d'assurance donne des indemnités, on donne des indemnités aux ayants droit. On ne donne pas des indemnités à n'importe qui. Le Parti Sahrawi Frodebout maintenant demande à ce qu'il y ait des enquêtes sur ce cas pour que ces indemnités tournent aux ayants droit et que toute personne qui aurait participé dans ces magouilles puisse être également punie. Poursuivons ce journal. Je vous l'avais dit dans les titres, la cohésion sociale, la réconciliation ainsi que le développement familial et communautaire sont parmi les 9 priorités annoncées par le nouvel évêque du diocèse catholique de Bubanza lors de son ordination ce samedi à Bubanza. Dans son discours, Monseigneur Emmanuel Nakarutimana a indiqué qu'il va également continuer d'établir de bonnes relations avec ses homologues des pays voisins. Le point avec Spes Caritas Kabanyan. Frères bien-aimés, acceptez-vous la charge que nous ont confiée les apôtres et que nous allons vous transmettre par l'imposition des mains? Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu et je m'engage à la remplir jusqu'à la mort avec la grâce de l'Esprit-Saint. C'était là l'ordination épiscopale du nouvel évêque du diocèse de Bubanza par le nonce apostolique Dieudonné Datonou. C'était ce samedi à Bubanza. Emmanuel Nakarutimana a précisé dans son discours qu'il a 9 engagements qu'il va accomplir, dont la cohésion sociale et la réconciliation, tout en précisant que les provinces de Bubanza et Cibitoke ont traversé des moments difficiles et que même actuellement, l'inquiétude ne manque pas eu égard à ce qui se passe dans la région des Grands Lacs. Le nonce apostolique Dieudonné Datonou, de son côté, a demandé au nouvel évêque de prêcher Jésus aux vivants, mais aussi aux morts. Prêcher Jésus-Christ aux vivants, sans oublier les morts, car c'est encore lui qui libère les captifs de l'autre monde en quête de délivrance. Le diocèse de Bubanza abrite le plus grand cémetière du pays, celui de Mpanda. Comme pour vous inviter à ne pas limiter votre regard à l'église militante. Le nonce apostolique a également suggéré que ce ne serait pas mal d'installer un centre pastoral autour du cimetière de Mpanda. Veuillez réserver une bonne part dans vos projets pastoraux à nos amis de l'au-delà. Et vous ne le regretterez pas. Autour du cimetière de Mpanda, n'hésitez pas à créer un centre pastoral, refuge pour les pèlerins d'ici-bas, affectés par l'épreuve du deuil, oasis pour les âmes qui languissent après les parvis de l'Éternel. Monseigneur Emmanuel Nakarutimana vient succéder Jean Naguarara, actuellement en retraite. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Parlons agriculture à présent. Un champ de 4,5 hectares peut avoir un rendement d'au moins 350 kg de riz. Une fois planté avec des semences sélectionnées, c'est le système de riziculture intensive. Les riziculteurs du marais d'Onyenshinge en province Makamba qui le disent se réjouissent de ce système car auparavant, ils n'ont récolté qu'au plus 100 kg sur la même superficie. ici. Ils indiquent avoir appris cette technique auprès de l'association des producteurs des semences Tugwizu Mucheri. On en fait le point avec Élisée Kwizera. Les riziculteurs du marais de Nyeshinge sur la colline Kabo, commune Nyanzalake dans la province de Makamba, indiquent que le rendement du riz a augmenté suite aux semences sélectionnées et au système de riziculture intensive et sur riz. Pour exemplifier, ils racontent qu'ils récoltent au moins 350 kg de riz avec ce système sur un champ de 4 hectares et demi, alors qu'avant, ils n'obtenaient que 100 kg. À cette époque, les riziculteurs et non-riziculteurs étaient confondus au marché. Mais aujourd'hui, ces riziculteurs disent qu'ils n'achètent plus cette denrée alimentaire. Ils relatent qu'ils ont appris ce système de riziculture auprès de l'association des producteurs de semences Tugwizu Mucheri. Ces derniers ayant bénéficié des formations et appui à travers différentes organisations comme INADES Formation Burundi, Accor Burundi et l'Institut des sciences agronomiques du Burundi remercient que d'autres riziculteurs en tirent avantage. L'agronome Sonare Domuyange, Jean-Marie Manirakiza, affirme ces informations. Toutefois, il parle des riziculteurs encore en arrière dans d'autres marais de cette zone comme Gasongi et Rubonwe qui pratiquent cette culture en désordre avec aussi des semences de mauvaise qualité et leur demande de se référer à ces deniers Shinge qui ont déjà réussi depuis Makamba. Élisée Kwizera, Radio Isanganiro. Merci Élisée. Le manque criant des professeurs d'éducation physique et des sports EPS qui s'observent au sein des écoles secondaires peut freiner le développement du sport au Burundi. Cela a été dit ce samedi par le président de l'Amicale des cadres sportifs et professeurs d'EPS lors de la célébration de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Pour trouver solution à ce défi, Gabin Mouhawuka demande au gouvernement d'embaucher des professeurs d'EPS comme cela se fait pour les enseignants des autres disciplines. Suivez. Au niveau du sport au Burundi est apprécié, mais il y a toujours des insuffisances. Pourquoi ? Parce que si je lance un œil dans les écoles, je vois qu'il y a toujours un manque criant de professeurs d'éducation physique dans plusieurs écoles. Et je profite pour cette occasion de lancer un appel au gouvernement pour qu'il puisse faire un recrutement des profs d'EPS. D'ailleurs, à partir du primaire jusqu'au secondaire. Et la plupart des athlètes qui étaient présents aujourd'hui, ce sont des enfants. Quel appel pourriez-vous lancer à ces enfants? D'abord, je lance un appel à mes collègues professeurs d'éducation physique de sensibiliser, de montrer un amour particulier à la pratique sportive et comme ça d'inciter aux jeunes enfants, élèves, apprenants, pour qu'ils puissent avoir cet engouement de faire la pratique du sport. Je lance un appel aussi aux enseignants d'EPS d'essayer de faire toujours un travail inclusif pour que les filles, elles aussi, se sentent à l'aise au niveau de la pratique sportive. Même au niveau de la pratique du sport dans les écoles, j'inviterai les enseignants d'EPS d'inculquer cette valeur de fair play aux enfants, jeunes filles et garçons, pour qu'ils puissent comprendre cette valeur-là. Et ce sont des valeurs qui aident, même dans l'avenir, au niveau de la pratique sportive chez les enfants. Gabin Mouhawuka au micro de Jean-Marie Vianney Ngenda Koumana. En août 2013, l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de proclamer le 6 avril Journée internationale du sport pour le développement et de la paix. C'est à l'occasion de reconnaître le rôle sportif que joue le sport dans les communautés à travers le monde en favorisant les changements positifs, franchissant les barrières et transcendant les frontières. Le thème de cette année au niveau mondial est le sport au service de l'inclusion sociale. Au Burundi, cette journée a été célébrée sous le thème « Le sport à l'égalité de genre et de l'autonomisation des femmes au Burundi ». Et pour boucler cette édition, je vous l'avais dit dans les titres, la chanson « Imana Yakandi Kadio de Pasta Lopez » a remporté ce samedi la compétition Isanganiro Award 13e édition. En deuxième position vient Ndiki de Vishu Love, au moment où Zoé du groupe MTC a occupé la troisième place. C'était lors des cérémonies de la finale d'Isanganiro Award tenue à Bujumbura, qui est alors cet heureux gagnant d'Isanganiro Award 13e édition. Quel est son parcours musical? Le point avec Jérôme Hakiziman. Hey. Né en 1989 à Moussaga, à mairie de Bujumbura, de son vrai nom, Lopez Ninina Hadzwe, mieux connu dans l'industrie musicale sous le nom de Pasta Lopez, est un artiste gospel, chanteur, compositeur qui, avant de se lancer dans la publication musicale, était choriste et exerçait son ministère pastoral à l'église The Seat of the Living God, CLG en sigle, selon son dossier de presse. Le plus grand désir de Pasta Lopez est de communiquer le cœur de Dieu à travers ses œuvres en faisant ressentir la présence et la puissance divine par l'adoration et la louange. Embrassé sa carrière musicale depuis 2020, Pasta Lopez a jusqu'à présent deux albums dont Diose Viale Mienawe et Nibesha, contenant en tout 19 chansons accessibles sur sa chaîne YouTube et sur d'autres plateformes musicales. Parmi ces dernières, 12 chansons ont été enregistrées audiovisuellement en mode live. Il a fait un concert public qui a marqué bon nombre d'amateurs de la musique en général et ceux du gospel en particulier, intitulé Nibesha Washing Concert, qui était aussi en live. De surcroît, Pasta Lopez a été classé 7e parmi les artistes les plus écoutés à Bujumbura de février 2024 à mars 2025, ce qui reflète l'accueil chaleureux de son ministère musical. Parmi les chansons de son répertoire qui ont cartonné, on citerait notamment Naburuka Bigenza, Warakoze, Diose Byale Mwenawe, Nibesha, Imana ya Kandi Kajyo et Ndaguhimbaza, réalisé en featuring avec l'artiste gospel légendaire Apollinaire Habonimana. Son œuvre Imana ya Kandi Kajyo a touché de nombreuses vies et a été bien accueillie par le public. Elle a été reconnue comme l'une des chansons les plus écoutées à Bujumbura au cours des trois derniers mois sur YouTube du 24 décembre 2024 au 23 mars 2025. C'est d'ailleurs cette chanson Imana ya Kandi Kajyo qui a remporté ce samedi la compétition Isanganiro Award 13e édition, devenant ainsi chanson de l'année sur la radio-télévision Isanganiro en remplacement de Bellissima de DJ Fernando. Manuri mwiza ego kora kucavu ego hinduri bihe ego. Pasta Lopez dit avoir bien accueilli le fait que sa chanson ait remporté cette compétition de renom Isanganiro Award. Pour lui, c'est un signe éloquent qu'il est à l'œuvre et que cette chanson a touché beaucoup de vies. Lopez remercie en outre ceux qui ont voté pour cette chanson et la radio-télévision Isanganiro qui a mis en place cette compétition. Suivez. C'est une immense joie pour moi de remporter l'Isanganiro Award pour la 13e édition. Je dirais même que ça a été une surprise pour moi parce que j'ai su que la chanson était dans la compétition un peu tard. Donc, pour moi, c'est une surprise. Surtout que je n'ai pas mobilisé beaucoup les gens à voter. Un message aussi que je peux adresser à ceux qui étaient dans la compétition, c'est juste les encourager. La preuve qu'ils sont en train de travailler, c'est qu'ils ont été nominés pour cette 13e édition. Comme le dit le proverbe qui l'on dit, c'est juste que ça devrait être une seule personne. Alors, continuez à travailler. Je dirais même merci pour la radio-télévision Isanganiro qui a organisé cette compétition parce que c'est encourageant pour ceux qui sont dans le domaine. En tout cas, merci radio-télévision Isanganiro. J'ai aussi un message à ceux qui ont voté pour la chanson. Un grand merci. Ça m'a montré que vraiment la chanson a touché beaucoup de vies. Aussi, pour ceux qui croient en Dieu, qui prient, je leur demanderai de prier aussi pour nous. Nous qui sommes dans le domaine du gospel, c'est Dieu qui nous donne l'inspiration par rapport au message que Dieu veut adresser à son peuple. Priez pour nous et je voudrais terminer par dire que la gloire revienne à Dieu qui nous inspire, qui nous a rendus capables de manifester cette œuvre. C'est par ici que s'achève cette édition. Rico Iman a assuré la mise en onde. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Yeah.